aujourd'hui, puisqu'un médecin il veut que je fasse un métier pour prendre père. Car il faut que je vienne loup l'ombreux comme un jeune de hit qui a le vierre. J'sais pour chaque j'mets mi foirin, on peut me virer avec une canne d'un ramin. Dans les ducasses, les foires, les siettes, outrant un tableau, j'crie à tuyette. Un trévirin, une chose avant, il va crier papa, maman, un tré, il vous fera rire à larmes. Venez virer Pichon qui part, il va crier papa, maman, un tré, il vous fera rire à larmes. Venez virer Pichon qui part. Un tréchin qui vous étonnera, chef d'en vire tout droit d'un suviel. Il joue du tambour muscade, il guitare des jus de thé. Si un société est nombreux, il vous dira un plus amoureuse. Et des gardiens plus amoureux, d'abord il fait l'enching, j'veux. Un trévire en pichon savant, il va crier papa, maman, un tré, il vous fera rire à larmes. Venez virer pichon qui part, savant. Et papa, maman, entrez, il vous fera rire à larmes. Venez virer Pichon qui parle. Preuve qu'il étonne Gramingin, je j'ai fait vire dans un village qu'on crie au nian, car on t'a un chemin Pichon et tôt du flouage. Garde champette la velie près quand il a eu dit que chez l'Ovrem, tous sans habits en G, il visite que M'Barak, elle est tôt, trop petite, l'île. Hop, M'Baya! Qui part. Alors quand vient un moment du repas, on lui fait vire un plat d'enjeu. Chez la qui crie maman, maman, papa. Comme en diro, un petite fille. Si vous voulez en mettre un train, il m'en basse et n'y veut pas n'a pote. Je peux opérer manger, résétis, bla, plein de temps, fronius, lili, hey, un rêve et un trait. Pichon savant, il va crier papa, maman, entré, il vous fera rire à l'âme. Venez virer Pichon qui part. Il va crier papa, maman, entré, il vous fera rire à l'âme. Venez virer Pichon qui part. Plus bio de leur présentation, chez quand un pichon fait s'toilette. On teint barboule tout plein de savon, on un rasé quand s'barbe est faite. Comme je suis son grand camarade, il m'embrasse, il me donne la patte. Alors j'y mets main capio, il salue et il retourne dans yo. Un trévire, un pichon savant, il va crier papa, maman, un tré, il vous fera rire à l'art. Venez virer Pichon qui part. Il va crier papa, maman, un tré, il vous fera rire à l'art. Venez virer Pichon qui part. Aussi, mes amis, j'espère bien qu'en petite tournée sera faite. De revenir par l'an parisien avec un gros spanchat pour être. S'arrête tous les spicalions, des exercices de main en pichon, pichon. Un trévire, un pichon savant, il va crier papa, maman, entrez, il vous fera l'arme. Venez virer Pichon qui part. Pichon savant, il va crier papa, maman.